À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, le journal Indian and World Event a fait paraître en brochure la lettre historique du maréchal Kim Jong-un adressée aux participants à la 4e conférence des pionniers du mouvement du drapeau rouge des Trois Révolutions, faisant aborder un tournant crucial au mouvement du drapeau rouge des Trois Révolutions, comme l'exige le développement de la révolution. La cérémonie de parution vient de se dérouler.